Écoutez. Allô? L'agence de la plage à Carnac? Oui, madame. Bonjour, monsieur. Nous aimerions louer un appartement ou une villa à Carnac, ou dans la région, pour le mois d'août. Auriez-vous quelque chose? Mais certainement, madame. Vous avez raison de vous y prendre de bonne heure. Nous avons encore plusieurs choses intéressantes à vous proposer. Vous cherchez une location pour combien de personnes? Nous serons 6. Il faut que j'aie au moins 3 chambres, mais je préférerais en avoir 4. En vacances, on a toujours des amis qui arrivent à l'improviste. Vous ne m'avez pas dit si vous préfériez une villa ou un appartement. Ça m'est égal. Ce qui est important, c'est le nombre de chambres. J'aimerais aussi que ce soit dans un quartier calme. Vous voulez être près de la mer? Ou est-ce que vous accepteriez une maison qui serait loin de la plage? Ça dépendra de ce que vous me proposerez et du prix. Mais avant de m'engager, j'aimerais bien sûr visiter. Est-ce que ce serait possible le 12 février? J'ai l'occasion de venir en Bretagne à cette date. C'est tout à fait possible. Je vais vous envoyer une documentation et une fiche où vous préciserez vos désirs. Pouvez-vous me donner votre nom et votre adresse? Madame Imbert, 19 rue des Pyrénées, Meaux.